y en a qu'un. Si je reviens, trop d'MC sont en chien. J'ai vécu des moments forts et magiques, des instants émouvants, d'or et tragiques. Tu vas sucer ma bite. Encore un putain de nègre qui pisse dans ce rap game. Je dérange et quand je m'élance, regarde l'ange danse. Démonte le démon. Au fond de mon tiroir ressort toutes mes démons. T'es mort, garde le filon de mes mots. Quand j'ai un coup de blues, on me trouve cool en eau trouble. Autour des loups, lève ma blouse, bouge les trous, pousse. Je vérifie mon pouls qui me bouleverse. Je cherche plus d'épouse, juste ma paire de converse. Tombe la veste, à chaque fois qu'il tombe une averse. Regarde l'élan de mes nerfs, le bilan de mon art. Après ce morceau, beaucoup vont renoncer. Ravéchir le hip-hop, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Tu n'es qu'une pute de ta mère, j'en ai assez. Retour à la source, les tapeurs sont terrassés. Après ce morceau, beaucoup vont renoncer. Ravéchir le hip-hop, mais comment t'as fait? Tu n'es qu'une pute de ta mère, j'en ai assez. Regarde-moi bien salope, arrête de salir les ondes. C'est chez nous qu'on tue le beat, on remet le son de la zone. On remet le rap à la mode, on met tout le monde à la page. Ils savent bien que si on est là, c'est que le rap va très mal. Les auditeurs ont la dalle, ils veulent de l'authentique. Ça télécharge salement, y'a plus rien de bénéfique. Chacun de nous cherche la maille dans la facilité. Ils oublient tout ce que dans ce merde, il faut de la qualité. Je me donne à fond dans ce que j'aime faire. Quand je rappe, je vais les faire taire. M.O. c'est un attardé de la rime sur la caisse claire. La sincérité dans ce game, c'est ce qui me rend fier. À force d'écouter de la merde, les gens n'ont plus de repères. C'est pas mon deal, c'est pas quelque chose que je ferai moi-même. Au nom des miens, je resterai un dur qui t'a resté en chien. Trop de chien à ça, laisse mon trap pour se mettre bien. Car la chance fait rare pour ceux qui font les choses bien. Après ce morceau, beaucoup vont renoncer. Ravéchir le hip-hop, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Tu n'es qu'une pute de ta mère, j'en ai assez. Retour à la source, les tapeurs sont terrassés. Après ce morceau, beaucoup vont renoncer. Ravéchir le hip-hop, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Tu n'es qu'une pute de ta mère, j'en ai assez. Retour à la source, les tapeurs sont terrassés. Que les darons sur des titres, que des africains sur beat. Que des gros bzaises et des tricks dans les clips. C'est ce qu'on aime, nous, ne nous ment pas, nous. Quand tu rappes, ne nous dis pas, je rappe pour vous. Car vous, c'est ton équipe, c'est ton fric, c'est ta bitch, c'est ta mère dans une villa au bord de la beach. Tu peux tromper les frères un jour, sale chaîne. Mais si tu les aimes, partage-leur ton chèque de la SACEM. Le rap, c'est de l'expression directe. Et c'est dans la douleur qu'on en a fait notre dialecte. Jette ton stylo ancré de piste, ta feuille pullerine. Je te baisserai ma braguette si tu me demandes un featuring. Vise le flow, vise le flow, vise le flow. Vise le flow, vise le flow, vise le flow. T-O-N-Y-S-O-M-O. Après ce morceau, beaucoup vont renoncer. Ravéchir le hip-hop, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Tu n'es qu'une pute de ta mère, j'en ai assez. Retour à la source, les tapeurs sont terrassés. Après ce morceau, beaucoup vont renoncer. Ravéchir le hip-hop, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Tu n'es qu'une pute de ta mère, j'en ai assez. Retour à la source, les tapeurs sont terrassés.